L'amour triomphe toujours. Eh bah ouais. Tu méritais d'être là, car une autre ne serait plus là. Je t'ai fait subir des choses, pardonne-moi. Tu fais comme si tu le voyais pas. Maintenant je me rends compte que tu me corriges malgré mes débordements. La culpabilité m'étouffe, que ça me rend fou. Alors tu es capable d'être ma copine. Je suis bizarre, mais t'es resté avec moi. Je suis ton bébé, tu es mon bébé. Je vais plus te voir pleurer. Jamais, jamais. Bébé de bébé, je suis ton bébé. Tu es mon bébé, je vais plus te voir pleurer. Balola loketo Shakira, ugrifenga eskosa Dracula. Talendingu silisinga makila, ozandoki oya zanga mukila. Ikabaloba itali bango, sur ton doigt moi je mettrai l'anneau. Je t'appelle, bébé, tu me réponds, Inos, baby. Me voilà dans tes bras à jamais. Fais de moi ce que tu voudras. T'es capable d'être ma copine. Je suis bizarre, mais t'es resté avec moi. T'es capable d'être ma copine. Je suis bizarre, mais t'es resté avec moi. Patron Borgos, Abed Achou, Before Bisselele.